Dans Parole d'expert, Fabien Noirot, directeur du développement Grand Compte et ESS chez Harmonie Mutuelle, nous parle de l'absentéisme en entreprise. L'absentéisme touche 50% des salariés. Chez Harmonie Mutuelle, nous aidons les entreprises à trouver des solutions pour limiter l'absentéisme. Nous proposons aussi une couverture prévoyance complète et sur mesure pour éviter ou limiter la perte de revenus des salariés. Enfin, la garantie prévoyance s'opère dans un cadre fiscal et social avantageux pour l'entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Le printemps, voilà notre série cette semaine, le printemps et ses représentations qui méritent un peu analyse. L'idée de la sève par exemple, du désir revenu, de l'envie d'amour, Eros en somme, mais contre quoi? Serait-ce contre Thanatos? À un certain moment de l'année, tous les astrologues vous le diront, le soleil quitte le signe des poissons pour celui du bélier. Le calendrier les approuve. C'est ce qu'on appelle le printemps. On le reconnaît du reste à certains signes. Le jardinier se plante soudain immobile devant le premier bourgeon. L'homme des villes s'arrête, lui, devant les vitrines de graines et d'outils de jardinage, cherchant le râteau ou la bêche de ses rêves enfantins. Est-ce l'approche du terme, mais la concierge arbore un nouveau sourire et les chaises des parcs publics se retrouvent au matin deux à deux. L'homme, pour qui les jours sont atrocement quotidiens, se sent une âme neuve et s'aperçoit soudain qu'il a absolument besoin de rectifier son nœud papillon. Il sent avec une parfaite netteté que la chance l'accompagne et que rien désormais ne peut l'empêcher de gagner le gros lot d'1,5 million de nouveaux francs. De la tranche de printemps, justement. La dactylo de la grosse société pétrolière, hantée par 10 ans de soumission inconditionnelle, s'avise qu'elle ne peut plus attendre un jour de plus pour mettre une robe légère. Mais les robes légères attirent leur gare et dès qu'elles apparaissent au dehors, gare aux conséquences que cela comporte pour les automobilistes. Le printemps, on vous dit. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Et vous venez d'entendre une archive sur l'arrivée du printemps, une archive des actualités françaises de 1962. Chance, séduction, sourire, retour des jeux amoureux. Il n'y a pas qu'en 1962 qu'on voyait le printemps comme la saison de toutes ces douces choses. Et en même temps, c'est un peu une tarte à la crème, il faut bien le dire. Cette idée d'Eros revenu dans toute sa délicieuse innocence, je suis presque sûre que les deux psychanalystes invités ce matin n'en pensent pas moins. Quant à savoir si Eros est la vigueur qu'il nous faut contre Thanatos, c'est-à-dire contre cette force de destruction dont parle Freud à la fin de son livre de 1930, Malaise dans la civilisation, les choses sont sans doute un peu plus complexes. Car à beaucoup d'égards, dans la théorie freudienne, Thanatos est lié à Eros, si bien que la lutte entre ces deux principes, lutte effectivement mentionnée comme telle par Freud, est un problème délicat. Je propose d'essayer ce matin de retracer le parcours de Freud qui l'a conduit à conceptualiser les pulsions de mort ou l'instinct de mort en contrepoint de forces psychiques dirigées vers la vie. Ce n'est pas simple, nous allons y aller doucement, tout en réfléchissant bien sûr aux enjeux de cette découverte de Freud dans la deuxième moitié de sa vie. Bonjour Catherine Millot. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et vous écrivez depuis longtemps. Votre dernier ouvrage, paru chez Gallimard, s'intitule « Un peu profond ruisseau » et vous avez publié en 2016, toujours chez Gallimard, « La vie avec Lacan ». Et bonjour Bertrand Ogilvie. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et professeur de philosophie émérite de l'Université Paris 8, spécialiste de théorie psychanalytique. On vous doit notamment un livre intitulé « L'homme jetable », essai sur l'exterminisme et la violence extrême, paru en 2012 aux éditions Amsterdam, et un autre ouvrage devenu un classique, il a connu 5 éditions au PUF, Lacan, la formation du concept de sujet. Alors pour commencer en quelques mots à tous les deux, libido et printemps, c'est un mythe, c'est une réalité psychique. Que voyez-vous chez vos patients, Catherine Millot? écoutez, ce n'est pas très sensible dans le discours de mes patients, cette incidence du printemps. Mais je pense par ailleurs que c'est certain que le printemps a des effets sur les humains, enfin, du côté du désir. Mais enfin bon, je dirais que les patients, ils ont affaire sur le divan finalement à autre chose qu'à la pulsion, enfin qu'aux pulsions sexuelles directement. Oui. Alors voyez vous aussi, Bertrand Giguis, c'est une tarte à la crème, comme je disais, l'histoire du printemps qui stimule la libido, ou bien c'est quelque chose qui existe, est-ce important? On peut dire plusieurs choses. Bon, c'est vrai, je dirais comme Catherine Mio que les sur le divan, on ne perçoit pas vraiment cette incidence, mais c'est dû sans doute aussi au fait que nous sommes des urbains, oui. Et dans les villes, la distinction entre les saisons est moins sensible qu'elle l'était, que ne sentaient autrefois les populations plus directement liées à la nature. Mmh. Quand vous avez proposé cette émission, L'éveil du printemps, j'ai tout de suite pensé, ça m'a d'abord surpris un petit peu, et puis j'ai tout de suite pensé au texte de Wedekind, justement, la pièce de Wedekind qui avait tellement frappé Freud, qui s'appelle L'éveil du printemps, tragédie enfantine, qui a été édité avec une préface de Jacques Lacan aux éditions Gallimard, et avec les textes des interventions de Freud sur la pièce, qui raconte justement ce qu'est la pulsionnalité infantile et adolescente. Et la pièce est magnifique, mais elle est sombre, très sombre. Elle est sombre. Alors, j'ai envie de dire bienvenue dans le sujet du jour. Si Eros est un très beau thème, eh bien, à la fin de sa vie, Freud confronte Eros, non pas à Thanatos, parce que ce n'est pas le mot qu'il emploie lui-même, peut-être l'a-t-il employé oralement, mais en tout cas pas dans ses écrits. Il parle de destruction, il y a des pulsions de mort, un élément destructeur en nous, et il espère que Eros l'emportera contre cet autre élément. Cette évolution est très importante, n'est-ce pas, chez Freud, Bertrand Ogilvy? Oui, elle est très importante et je crois qu'il faut d'abord souligner un point très important, c'est que l'œuvre de Freud, et particulièrement sur cette question-là, ne prend jamais l'allure d'un système clos. Oui. C'est un chantier ouvert en permanence. Et le concept ou la notion de pulsion de mort, qu'il dit d'abord en général au pluriel, plutôt les pulsions de mort. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, le mot de Thanatos ne figure jamais dans son texte, même si parfois Jones, dans sa biographie, dit qu'il l'a prononcé oralement. Mais c'est pas. Et c'est très important de souligner le fait que ce couple Eros-Thanatos, qu'on voit très souvent évoqué à propos de Freud, une espèce de grand couple mythologique, ne reflète pas correctement la pensée de Freud sur cette question, qui est beaucoup plus complexe, sinueuse, alambiquée, difficile. C'est un concept très difficile. Je trouve, oui, que cette émission sur la pulsion de mort, c'est vraiment audacieux, voire Merci, téméraire. J'adore ça, prendre quelques risques. On va essayer d'être clair. Oui, et effectivement, il faut retracer la genèse de ce concept pour comprendre comment. En restituant ces hésitations, oui, Freudiennes, voilà, qui sont assez touchantes. Hein. Il y a une honnêteté quand même remarquable. Du père de la psychanalyse, remarquable, qui avance doucement. Oui. Oui, oui, notamment. Oui, on va y venir. Catherine Millot, c'est essentiel. Est-ce que Jacques Lacan ensuite est redevable sur cette question à Freud, je veux dire sur celle-ci aussi, à savoir les pulsions de mort? Alors, bien sûr, Lacan a repris la problématique de la pulsion de mort freudienne. Parce que le terme de pulsion de mort. Et surtout quand on traduit les termes de Freud par instinct de mort, c'est un paradoxe, puisque l'instinct animal ne peut pas aller vers la mort. Enfin, il est une défense contre la mort. Lacan ne le reprend pas directement, la pulsion de mort de Freud, il l'interprète, il la situe dans le cadre de sa propre théorisation, concernant en particulier concernant la place du signifiant, la place du symbolique. Oui. Et c'est par rapport au signifiant et au symbolique qu'il va reprendre cette question. Alors on va voir tout cela, nous sommes au début de l'émission, ne vous inquiétez pas Catherine Millot, on va rentrer très bien dans le détail des textes. Je voudrais restituer en quelque sorte l'ordre chronologique de ce problème, d'abord chez Freud et ensuite chez Lacan. Le problème de l'existence en nous de désirs destructeurs envers les autres notamment, et peut-être à cet égard de désirs particulièrement mal réprimés, mal contrôlés, ce problème apparaît dans un texte de Freud de 1915, Considération actuelle sur la guerre et sur la mort, et la date compte bien sûr, c'est la boucherie de la Première Guerre mondiale qui laisse penser à Freud, je cite, que si l'on en juge selon nos motions de désir inconscientes, nous sommes, c'est-à-dire nous humains d'aujourd'hui, pas moins qu'il y a plusieurs siècles, voire millénaires, une bande d'assassins, et tu ne tueras point au cœur de la foi religieuse occidentale, précise Freud, n'est pas un interdit très performant, apparemment. Mais de plus, la guerre excite nos vies, en quelque sorte, comme si la proximité de la mort, dit-il, redonnait de l'intensité à l'existence. Notre relation à la mort exerce une forte influence sur notre vie. La vie s'appauvrit. Elle perd de son intérêt dès l'instant où, dans les yeux de la vie, il n'est plus possible de risquer la mise suprême, c'est-à-dire la vie elle-même. Elle est aussi insipide, aussi vide qu'un flirt américain dans lequel il est établi d'emblée qu'il ne se passera rien. À la différence d'une relation amoureuse continentale dont les graves conséquences doivent toujours être présentes à l'esprit des deux partenaires. Nos liens affectifs, l'insupportable intensité de notre deuil font que nous sommes peu enclins à rechercher le danger pour nous et pour les autres. Nous n'osons pas nous sentir concernés par un grand nombre d'entreprises dangereuses mais en fait indispensables, telles que des tentatives de performance aérienne, des expéditions dans des pays lointains, des expériences avec des substances explosives. La pensée qui alors nous paralyse, c'est de savoir qui, en cas de malheur, remplacera pour la mère le fils, pour l'épouse l'époux, pour les enfants le père. La tendance à exclure la mort des comptes de la vie a pour conséquence bien d'autres renoncements et exclusions. Et pourtant, la Hans avait pour devise « Il est nécessaire de naviguer, il n'est pas nécessaire de vivre ». Il est évident que la guerre balaie nécessairement cette manière conventionnelle de traiter la mort. La mort ne se laisse plus dénier. On est forcé de croire en elle. Les hommes meurent réellement, et non plus isolément, mais en nombre, souvent par dizaines de mille, en un seul jour. Et il ne s'agit plus de hasard. Il apparaît certes encore que c'est par hasard que cette balle atteint l'un et pas l'autre. Mais cet autre, une seconde balle peut aisément l'atteindre. L'accumulation met fin à l'impression de hasard. La vie, certes, est redevenue intéressante. Elle a retrouvé tout son contenu. C'est Riad Kera de l'équipe d'Avec Philosophie qui lisait pour vous ce texte de Freud, un extrait des Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort de 1915. Freud, Bertrand Ogilvie, dit là que, au fond, la mort nous excite nos vies bien plus que nous ne l'avouons. Il y a un étrange tabou autour d'elle, qui ne sert d'ailleurs à rien, semble-t-il, puisque nous savons tuer quand il le faut, et la guerre de 14 montre à quelle échelle. Peut-être seuls les enfants, dit-il, ont encore une parole simple, spontanée à propos de la mort. Les adultes répriment leurs mots, mais pas forcément leurs actes et leurs pulsions. Oui, si je peux me permettre, ce texte insiste à juste titre sur l'importance de la Première Guerre mondiale dans l'émergence de ce concept complexe de pulsion de mort. Ça a été un électrochoc pour toute l'Europe, cette guerre. Freud, après une espèce de phase maniaque où il participe à l'enthousiasme guerrier, nationaliste, il défend l'Autriche-Hongrie. Il a cette formule curieuse, il dit j'ai donné ma libido à l'Autriche-Hongrie. Bon, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Ça dure un mois. Au bout d'un mois, il se rend compte de la supercherie, de la violence, de la bestialité, de ce qui se passe. Il a ses deux fils et son gendre à la guerre, il a des gens qu'il voit tomber autour de lui, il est environné tout à coup par la mort, c'est ce dont il parle dans son texte, et dans la plupart des textes où il parle de cette période-là, il est moins optimiste et moins positif que dans le passage qu'on vient d'entendre. En réalité, il prend de plein fouet ce surgissement de ce que l'historien américain George Moss a appelé la brutalisation des sociétés européennes au moment de l'exterminisme qui règne au moment de cette guerre. Bon, ça c'est un des facteurs effectivement de l'émergence, mais ce n'est pas le seul. Oui, bien sûr, c'est le premier jalon. Voilà, disons, c'est un facteur extérieur, disons, mais il y en a d'autres. Si je pouvais me permettre, je vais les décliner rapidement, il me semble, parce qu'il faut les tenir ensemble. Il y a d'une part, bon, la guerre. Mais il y a aussi, d'un point de vue plus technique, plus professionnel, je dirais, quelque chose qui traîne dans la réflexion de Freud depuis quelques années, qui est le constat des réactions thérapeutiques négatives chez les patients. C'est-à-dire le fait qu'il a affaire à des patients qui, malgré l'avancée de leur cure, ne renoncent pas à la répétition de leur compulsion. Donc, vis-à-vis d'eux-mêmes, en quelque sorte, voilà, se faisant du mal, voilà, continuellement. Voilà, ils continuent à se faire du mal et à laisser entendre qu'il y a quelque chose au-delà du principe de plaisir, oui, justement. Bon, ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième, c'est, je crois que c'est très important, je les donne dans le désordre, hein. c'est la découverte, on n'y insiste jamais suffisamment, c'est la découverte par Freud en 1919, juste à la fin de la guerre, et juste avant qu'il écrive le texte Au-delà du principe de plaisir, c'est la découverte de son cancer. C'est-à-dire que Freud découvre, et il va d'abord le nier, sous la forme d'une dénégation classique, typiquement psychanalytique, il découvre qu'il a un cancer de la mâchoire dû à la consommation de tabac, et il va vivre les 40 dernières années de sa vie, un véritable calvaire. Une douleur terrible. Et ce qui est frappant, oui, et non seulement ça, mais il va continuer de fumer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il découvre qu'il est habité par un processus de mort qu'il entretient lui-même, dont il est la cause, et qu'il va entretenir jusqu'au bout. La cocaïne l'aurait aidé? Non, pas la cocaïne. Non, c'est le tabac. Ça m'a toujours étonné. Ah, la cocaïne, c'est l'aurait aidé pour la douleur, je veux dire. Non, ça n'a jamais eu aucun rapport avec son cancer. Parce qu'il a écrit aussi. Oui, il a écrit, mais c'est dans sa jeunesse. Je crois que c'est... Non, c'est plutôt la morphine qui l'a utilisé à la fin de sa vie. C'est assez logique, oui. Et il est mort de ça. Il est mort de ça, et il a vécu toute la fin de sa vie habité par ce processus de mort. Je pense qu'on peut pas négliger cette dimension fondamentale dans bon. Et puis, merci d'avoir posé le décor, parce qu'effectivement, avec la guerre, éclate en fait plein de bulles problématiques bulles, de la théorie psychanalytique. Voilà. Et donc, on va revenir et notamment, on va te faire intervenir. Et puis, il y a la rencontre de Sabine Spielrein. Voilà. Merci. Mais Catherine, un instant quand même sur l'intensité de vivre que peut donner la proximité de la mort, c'est ce qui est dit dans le texte de Freud. Vous-même, vous racontez dans votre dernier livre, un peu profond ruisseau, que vous avez failli mourir du Covid, que vous êtes arrivé à l'hôpital une deuxième fois parce qu'ils ne vous avaient pas pris tout de suite, en état d'hypoxie, donc un manque d'oxygène, et vous étiez un petit peu euphorique. Vous parlez, enfin il paraît qu'on dit comme ça médicalement, dites-vous, d'une hypoxie heureuse. Et c'est comme si, expliquez-vous, enfin vous allez nous le dire là, avec vos mots d'aujourd'hui, c'est comme si la vie, les relations avec les autres, après, pendant votre convalescence notamment, étaient comme intensifiées dans cette période. Expliquez-nous un petit peu. Enfin, c'est toujours, quand on a été en danger de mort, d'abord, il y a un moment où il faut combattre pour survivre. Et c'est ce que le séjour à l'hôpital, et ce combat, il ne se fait pas sans aide. Ça a été pour moi important qu'il y ait à l'extérieur, de la part d'autres personnes, la volonté que je vive. Et ça, c'est là que l'hôpital et l'équipe soignante a son rôle à jouer. C'est-à-dire le fait qu'ils veulent vous guérir, qu'ils veulent que vous viviez. Et puis, il y a les proches aussi. Sentir que les proches ont envie que vous viviez, c'est ça qui permet de revigorer, puisque c'est un terme là que vous avez déjà employé, de revigorer le désir de vivre. Oui. Parce qu'il y a justement dans l'hypoxie heureuse, qu'on appelle aussi hypoxie silencieuse, qui est quelque chose de très paradoxal et qui a beaucoup interpellé les médecins, ils ont mis du temps à le repérer, c'est que dans des états graves d'hypoxie, très, très profonds, il y a une conservation chez les gens qui ont le Covid, une conservation de toute la bonne marche du cerveau, enfin de une présence, enfin alors que normalement on devrait être dans le coma, être en détresse respiratoire, ce qui n'est même pas le cas. Donc il y a des mécanismes particuliers propres à cette maladie qui vous font descendre dans une hypoxie profonde, mais en même temps qui préserve votre conscience. Alors, je pense qu'il y a un moment où où c'est comme si il y avait une sorte de d'aspiration à se laisser glisser. Oui. Du côté justement de la mort. Du côté de la mort, dans la mesure où, après tout, moi, je pensais que le travail là, avait été fait aux trois quarts et qu'il ne restait pas grand-chose à faire. Et qu'après, en étant guéri, je pouvais me dire que devoir mourir, ça allait se représenter, que c'était tout à recommencer, y compris ce premier trajet. Donc voilà, enfin, c'est comme si j'avais en effet, en quelques jours, senti à la fois cette glissade possible et puis le sursaut vital qui est provoqué par le danger quand même et par quelque chose qu'il faut bien avouer, la pulsion de conservation, la pulsion de vie. La pulsion de vie. Alors, continuons maintenant notre trajet pour comprendre l'élaboration par Freud de la notion de pulsion de mort. Juste avant la Première Guerre mondiale, un texte a compté pour lui, un texte de 1912, semble-t-il, il lui rendra hommage bien plus tard. C'est le texte d'une psychanalyste qui s'appelle Sabina Spielrein, et c'est un texte intitulé « La destruction comme cause du devenir ». Avant qu'on entende un extrait, Bertrand Ogilvie, qui était Sabina Spielrein ? Ah là là, c'est tout un roman, oui. Extraordinaire d'ailleurs. C'est une jeune femme qui arrive dans un état terrible, en 1904, si je me souviens bien, au Bürgersley, où exerce le psychanalyste Jung, qui est à cette époque-là le fils spirituel de Freud, du moins Freud longtemps comme ça, et qui est traité pendant plusieurs années par Jung. Et entre les deux, entre le psychanalyste et sa patiente, va naître une relation complexe, amoureuse, à laquelle Jung va succomber. Elle va devenir sa maîtresse, ce qui au fond n'a rien d'extraordinaire. Toute relation amoureuse est toujours surdéterminée par toute une histoire. Enfin, normalement, enfin, peut-être pas au début de la psychanalyse, c'est quand même un tabou. Hein, pour le psychanalyste ne devrait pas céder à son propre désir. Alors, Jung cède, c'est le premier problème. Et je dirais que le deuxième problème concernant Jung, c'est que non seulement il cède, mais en plus de ça, je crois qu'il est réellement amoureux d'elle, mais il renonce néanmoins à cet amour, pour des raisons matérielles. C'est sa femme qui l'entretient, elle est très riche, c'est grâce à elle qu'il fait sa carrière. C'est très élégant, non seulement il cède à un interdit, mais en plus, c'est ça, c'est très peu élégant, c'est le mot juste. Bon. Et Sabina va se tirer de cette situation de façon remarquable. Elle est très intelligente, elle voit le caractère destructif de cette relation, elle va s'appuyer sur Freud pour en sortir, et pendant quelques années, elle va être là entre Jung et Freud. Elle va passer de l'un à l'autre pour acquérir un statut de psychanalyste. Elle va faire des études de médecine, elle va devenir une psychanalyste. Elle est russe, mais elle fera ses études de médecine à Zurich. À Zurich. Ensuite, elle vient à Vienne. Oui. Et là, Freud, qui reconnaît tout de suite son intelligence et sa finesse, l'admet dans le cercle des analystes, lui confie des exposés, publie ses textes. Et malgré ses réticences à l'égard du contenu de ce qu'elle développe, il en garde une trace profonde. Quand il entend l'exposé dont vous avez parlé, la destruction comme cause du devenir, il dit explicitement cette petite, c'est comme ça qu'il l'appelle entre eux, cette petite est vraiment intelligente, mais son concept de destruction m'est vraiment antipathique. Je dis. Mais, riche résistance. Voilà, riche résistance. Et 15 ans plus tard, il a l'honnêteté, vous l'avez souligné au début, il a l'honnêteté de dire ça ne m'étonne pas que les psychanalystes soient si résistants à l'égard de ce concept de pulsion de mort, car moi-même, je l'ai été violemment à l'égard de ce que disait Sabine Spielrein. Alors, concernant la relation entre Sabine Spielrein et Carl Jung, on peut renvoyer au film de Cronenberg, Dangerous Method, un film très intéressant. Et maintenant, je vous propose d'écouter un extrait du texte de Sabine Spielrein de 1912 sur cette notion de destruction. Ma conviction est que la psyché du moi, inconscient compris, se trouve soumise à des mouvements dont la cause est bien plus profonde et qui ne se soucie pas le moins du monde de la façon dont, affectivement, nous réagissons à leurs injonctions. Il n'y a véritablement de plaisir pour le moi qu'à obéir à ces injonctions profondes, et c'est ainsi que nous pouvons prendre immédiatement plaisir à un désagrément ou à une souffrance qui, en eux-mêmes, ne comporte qu'un violent déplaisir. Toute souffrance est en effet une atteinte faite à l'individu, et le rôle de l'instinct d'autoconservation est justement de protéger l'individu contre de telles atteintes. Ainsi, il y a quelque chose au fond de l'individu qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître de prime abord, le pousse à se faire du tort à soi-même, qui lui fait y prendre du plaisir. Un tel désir de souffrance et de douleur reste rigoureusement incompréhensible à ne considérer que le moi, qui ne poursuit en effet que son plaisir. Il y aurait donc, dit Sabine Spielrein, quelque chose dans l'individu, sans doute quelque chose qu'elle connaît bien, qui a fait partie de sa pathologie, elle s'est auto-analysée en même temps qu'elle a été analysée, quelque chose de destructeur vis-à-vis de soi-même. C'est un autre sujet apparemment que celui évoqué tout à l'heure dans le texte de 1915 de Freud sur la guerre, où il évoquait surtout les pulsions destructrices à l'égard d'autrui, mais il va peu à peu réunir ces deux enjeux, Bertrand Ogilvie. Oui, alors cette autodestruction dont Sabine Spielrein parle dans ce texte, elle la théorise dans un premier temps en s'appuyant sur Jung, qui reste à cette époque-là son maître à penser. Et Freud est très réticent à l'égard des dimensions à la fois mythologiques et biologiques qui sont présentes dans cette construction, qui va évoluer. Le texte de Sabine Spielrein va être réécrit, il va être discuté, et elle va peu à peu s'éloigner de cette dimension que Freud récuse. Et Freud va retenir de cela, effectivement, cette espèce de contradiction terrible qui fait scandale quand il va, lui, en 1920, publier son propre texte sur la question, qui fait scandale parce qu'au fond, elle inscrit à l'encontre de toute une tradition occidentale, elle inscrit le négatif et le mal au cœur de l'être même. Oui. Catherine Millot, je crois que ça fait longtemps, dans votre itinéraire, que vous intéressez en profondeur aux aspects apparemment autodestructeurs de la subjectivité, du psychisme, et que vous réfléchissez aussi aux formes de plaisir troubles qui peuvent apparaître dans l'autodestructivité. Je pense en particulier à un livre de vous qui m'a, je dois dire, marqué, La vie parfaite. Oui. Que vous avez publié il y a quelques années. Vous évoquez certaines femmes, notamment des mystiques. Je pense à Jeanne Guyon, qui aimait faire des expériences limites, apparemment quand même autodestructrices. Je ne sais pas, jusqu'à mettre sa langue sur un crachat par terre pour voir jusqu'où la nausée, le dégoût pourrait la mener. Des expériences paradoxales. C'est quelque chose qui vous intéresse à titre personnel depuis très longtemps, n'est-ce pas ? Alors, c'était dans La vie parfaite, la démarche de Guyon, c'est de rechercher l'anéantissement de soi. Et le crachat, c'est simplement une façon d'essayer de surmonter ce que Freud a appelé le principe de plaisir. Oui. Il s'agit de surmonter le dégoût, de surmonter le déplaisir. Et ça fait partie de cette ascèse qui conduit à l'anéantissement de soi. Alors ça, ce thème de l'anéantissement de soi, je l'ai analysé. Ça fait partie, mon travail d'écriture fait partie de mon analyse. Et je l'ai rattaché à un fantasme personnel qui était lié à aux paroles qui ont salué mon entrée dans le monde, qui était ce que j'avais ensuite fantasmé comme une condamnation à mort, justement du corps médical. Alors, Enfin, c'est ce que ça, cette histoire qui est la mienne met en valeur, c'est la dimension du signifiant. Oui. C'est au fond du signifiant qui est quelque chose qui fonctionne au-delà du principe du plaisir. Et c'est ça qui est important dans la démarche de Freud quand il dégage la pulsion de mort. Il part de l'au-delà du principe du plaisir, c'est-à-dire de phénomènes cliniques ou de phénomènes en général, où le principe du plaisir, qui pour lui était comme un postulat indépassable et incontournable, se trouve caduc. Comme alors, par exemple, voilà, entrons dans le détail. Une oui, caducité pardon. Du principe du plaisir, c'est ça qui a amené Freud à considérer l'existence d'une pulsion d'une autre nature que celle qui est régie par le principe du plaisir. Et ce qu'il met en valeur, enfin, ce qu'il met en lumière, c'est l'automatisme. L'automatisme de répétition, ce qui revient automatiquement. Et ça, c'est à partir de là qu'on peut appréhender aussi la manière dont Lacan reconsidère la pulsion de mort. Parce que cet automatisme, cette autonomie, on peut dire, du signifiant, c'est quelque chose que Lacan a mis en valeur. Et on va entendre ça chez Lacan, bien sûr. Et dans la mesure où, pour lui, la pulsion de mort, c'est quelque chose qui est en rapport avec cette autonomie du symbolique et du signifiant, qui ne tient pas compte du vivant. C'est au-delà du vivant. C'est le langage. Hein, c'est quelque chose qui est éventuellement même antinomique par rapport au vivant. Et il dit que l'être humain, c'est l'être parlant, qu'il est parasité par le langage. Et c'est ça qui est à l'œuvre, ce parasitisme du langage, c'est cette soumission au signifiant qui marche tout seul, il y a un côté machine là-dedans. C'est ça qui est à l'œuvre dans la réaction thérapeutique négative dont parlait Bertrand Ogilvie tout à l'heure, oui. Qui est à l'œuvre dans l'automatisme de répétition dans la vie humaine, enfin des circonstances qui se répètent comme ça à l'insu du sujet, dans les jeux de l'enfant c'est son petit-fils qui jouait aux fortes dents, hein, ça veut dire loin et près, et il jouait, c'était deux sons O et A, et qui lui permettait de symboliser la présence et l'absence de sa mère. Faire disparaître un objet et de le faire et le faire revenir, oui. Voilà. Et ce que Freud avait noté, c'est qu'il accentuait les choses, cet enfant, surtout sur la disparition. Il répétait la disparition. Et non, ce qui aurait été conforme au principe du plaisir, oui, le absolument. Retour. Absolument, c'est ça. Donc voilà, c'est l'enjeu de cet exemple, absolument. Est-ce que, je vous propose, si vous en êtes d'accord, Catherine Millot, qu'on revienne un tout petit peu à ce texte incroyable, parce qu'il va créer une rupture dans l'histoire de la psychanalyse. Freud va même se fâcher avec des disciples à propos de ce qu'il essaye de construire, au-delà du principe de plaisir, un texte de 1920. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en train de réfléchir au printemps. Et oui, ça peut paraître étrange, mais c'est notre sujet cette semaine. Et comme souvent on dit, le printemps, c'est Eros qui renaît. Je voudrais qu'on pose cette question sérieusement, notamment contre qui renaît-il, si vraiment il renaît. Et nous parlons donc du couple Eros-Thanatos, tel que la psychanalyse, même si Freud n'a pas employé le mot Thanatos, le pense depuis la dernière topique de Freud. Bertrand Ogilvie, ce texte de 1920, quel est l'enjeu ? L'enjeu, il est majeur. Comme l'a dit Catherine Millot à l'instant, la phrase de l'apôtre Paul, la lettre tue. Bon. Et effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la mort qui domine l'existence humaine, mais pas seulement elle. Et l'enjeu majeur de ce texte de Freud, c'est faire apparaître, en fin de compte, que l'opposition, justement, entre la vie et la mort, n'est peut-être pas aussi déterminante qu'on le croit. Et ce qui est passionnant dans ce texte de Freud, c'est qu'il parvient, il aboutit à une thèse face à laquelle il va reculer lui-même. Oui, hein, c'est ça qui est résumé dans la phrase suivante. Il dit « Le but de toute vie est la mort ». Le but de toute vie est la mort. Et je crois qu'il faut que, si je vous permettez, que je lise quelques lignes de ce texte de 1920, parce qu'on y voit, s'élaborer dans tout son scandale, cette position. Il dit « Le but de toute vie est la mort », et en remontant en arrière, le sans-vie était là, antérieurement au vivant. Pendant toute une longue période, il se peut que la substance vivante ait été ainsi recréée sans cesse et soit morte facilement jusqu'à ce que des influences externes prévalentes se transformassent, obligeant ainsi la substance survivante encore à dévier toujours davantage de son chemin originel et à faire des détours, j'insiste sur le mot, un détour Umwege en allemand, très important, on va y revenir, et à faire des détours toujours plus compliqués pour atteindre la mort but. Ces détours menant à la mort, fidèlement maintenus par les pulsions conservatrices, seraient ce qui nous offre aujourd'hui l'image des phénomènes de la vie. Sous cet éclairage, la signification théorique des pulsions d'autoconservation, de puissance et de valorisation se rétrécit. Ce sont des pulsions partielles destinées à assurer à l'organisme son propre cheminement vers la mort et à tenir à distance les possibilités de retour à l'inorganique, autre qu'immanente. Quant à cette tendance énigmatique de l'organisme à s'affirmer en défiant le monde entier, tendance qui ne peut être insérée dans aucun contexte, elle s'évanouit. Il reste, ça c'est une phrase extraordinaire, il reste que l'organisme ne veut mourir qu'à sa manière. Même ses gardiens de la vie ont été à l'origine des acolytes de la mort. D'où ce paradoxe que l'organisme se rebelle de toute son énergie contre des actions qui pourraient l'aider à atteindre son but de vie par un chemin court, par un court-circuit pour ainsi dire. Mais ce comportement caractérise précisément une tendance purement pulsionnelle par opposition à une tendance intelligente, automatisme, comme vous le disiez, c'est-à-dire non intelligente. Et là, Freud a cette phrase étonnante, il dit « Mais reprenons-nous, il ne peut en être ainsi ». Et ce qui est frappant, c'est que au fil des éditions, Freud ne va pas du tout gommer ce paragraphe, ce long paragraphe que je viens de vous lire, qui est absolument radical, il va le maintenir tel quel, et on comprend pourquoi, parce qu'en fait, quelques chapitres plus loin, il dit « Le principe de plaisir semble être tout simplement au service des pulsions de mort ». Je vous propose qu'on explique un peu. Normalement, si c'est le principe de plaisir qui gouverne le psychisme, ça veut dire que le but dans la vie pulsionnelle, c'est de satisfaire une excitation psychique, pulsionnelle. Si c'est autre chose, et Freud est troublé, il y a d'autres choses, on peut aboutir à ce constat, en effet, qu'il y a aussi des tendances dans l'individu de vouloir abolir le pulsionnel lui-même, c'est-à-dire revenir à une sorte d'état de mort, d'état anorganique, dit-il, d'état inanimé, où il supprimerait la pulsion, et pour cause, il viserait en quelque sorte sa propre autodestruction. Oui. Freud explique cela notamment dans les névroses traumatiques, où si c'était le principe de plaisir qui gouvernait les névrosés, ils ne devraient pas sans cesse revivre leur trauma, ils devraient au contraire le refouler en profondeur et essayer d'oublier en ayant des images dans leurs rêves extrêmement agréables de substitution. Et pourtant le trauma revient comme s'il fallait se faire du mal, et il dit c'est pour le maîtriser, pour le rendre comme immobile, et là, au fond, comme mort. C'est-à-dire, l'hypermaîtrise, la pulsion d'emprise qu'il semble voir là, puis il aura d'autres mots, c'est un principe de bonheur sans vie, de nirvana, dit-il. Vous pourriez un peu expliquer cela, cliniquement, s'il vous plaît. Cliniquement, c'est compliqué, parce qu'il faudrait rentrer dans des détails qui seraient très longs, mais je peut essayer de dire ça d'une formule un peu simple. Cette pulsion de mort, ces pulsions de mort dont vous venez de retracer les détours complexes, ne sont pas, c'est ça qu'il faut comprendre je crois, ne sont pas des sauts directs dans la mort. Ce sont des détours. Oui. Au fond, ce que fait le psychisme, c'est viser l'inorganique, viser l'inerte. Pour viser cette inerte originaire, il faut qu'il en repasse par toutes les constructions de la vie. Oui. C'est-à-dire que la répétition de toutes ces constructions de la vie, constructions conflictuelles, constructions douloureuses, elles sont nécessaires. Parce que ce sont elles qui conduisent justement jusqu'à la mort. Donc les pulsions de vie sont des pulsions de vie pour la mort. Et c'est ce détour qui est répété sans cesse dans les obstacles singuliers, les difficultés de l'existence qui font que, comme dit très bien Freud, à chacun sa mort. Catherine Millot, il y a évidemment des discussions psychanalytiques autour de ces enjeux. Nous, on a pas mal réfléchi ici, dans une série d'ailleurs, l'année dernière, à Mélanie Klein, qui a fait droit vraiment à la destructivité intérieure, dès la position du nourrisson vis-à-vis du sein nourricier ou du biberon, qui a envie de détruire ce qui lui fait du bien, qui est angoissé par sa propre envie de destruction. Enfin, il y a tout un travail de Klein là-dessus. Et puis, il y a Lacan. Je voudrais vous demander, puisque Bertrand Ogilvy a eu son moment de lecture, quel est le texte de Lacan pour vous essentiel et quels sont les enjeux que Lacan a sorti, lui, personnellement, de ce legs freudien sur les pulsions de mort? Alors j'ai commencé à l'évoquer quand j'ai dit que Lacan reprend la pulsion de mort à partir de la suprématie du signifiant et du fait que nous sommes pris dans le langage. Alors ce que je voulais ajouter, c'est que pour Lacan, il y a quelque chose de nouveau dans notre ère, dans notre moment de civilisation, qui va dans le sens d'un renforcement de cette puissance du signifiant et de cette puissance éventuellement mortifère du signifiant, en tout cas qui ne tient pas compte du vivant. Il dit ainsi, c'est dans le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, « Pour nous, dans le discours de la communauté, du bien général, nous avons affaire aux effets d'un discours de la science, où se montre pour la première fois dévoilée la puissance du signifiant comme telle. » Cette question est proprement la nôtre. Le développement soudain, prodigieux de la puissance du signifiant, du discours surgit des petites lettres des mathématiques et qui se différencie de tous les discours tenus jusqu'alors, devient une aliénation supplémentaire. L'homme a appris à un moment à lancer et à faire circuler dans le réel et dans le monde le discours des mathématiques qui, lui, ne saurait procéder à moins que rien ne soit oublié. Il suffit qu'une petite chaîne signifiante commence à fonctionner sur ce principe pour que les choses se poursuivent tout comme si elles fonctionnaient toutes seules, au point que nous en sommes à nous demander si le discours de la physique, engendré par la toute-puissance du signifiant, va confiner à l'intégration de la nature ou à sa désintégration. Alors il agit aussi, c'est parce que le mouvement du désir est en train de passer la ligne d'une sorte de dévoilement que l'avènement de la notion freudienne de la pulsion de mort a son sens pour nous. Merci. C'est un texte aussi où il dit une chose que d'autres ont dite, c'est que les destructions massives seront le fait d'automates, comme vous venez de suggérer, et notamment de bureaucrates, de technocrates, c'est ce qui s'est déjà passé, dit-il, qui n'ont pas vraiment de principe de plaisir, mais qui appliquent, dans un souci de maîtrise du réel, des normes, des signifiants peut-être, diriez-vous, lacaniennement. Et cette figure du tueur bureaucrate est très évocatrice. Oui, c'est un passage où il parle de Sade. Oui. Et des enfin, des descriptions exorbitantes de Sade. Et il ajoute que ce ne sont pas des pervers qui déclencheront le réel déchaînement qui nous menace, hein, ce ne sont pas des pervers, mais des bureaucrates, dont il n'y a même pas à savoir s'ils seront bien ou mal intentionnés. Ce sera déclenché sur ordre, et cela se perpétrera selon les règles, les roues, les échelons, les volontés ployées, abolies, courbées, pour une tâche qui perd ici son sens. Merci, ce texte est important. Alors maintenant, je vous propose qu'on essaye pour la fin de cette émission de comprendre le lien que Freud finira par faire entre pulsion d'autodestruction et pulsion de destruction des autres. C'est un enjeu important concernant les pulsions de mort. Écoutez ce commentaire de ce problème par le psychanalyste français André Green. C'était sur France 5 en 1996. Pour Freud, la force de destruction initiale est tournée vers l'intérieur. Autrement dit, c'est la force de destruction qui habite l'intérieur d'un sujet ou d'un organisme. Et l'agressivité exprimée ne représente que une fraction de celle-ci qui peut être défléchie vers l'extérieur. Autrement dit, dit d'une façon schématique, on pourrait dire que toutes les guerres, en somme, préviendraient la menace d'une guerre civile potentielle. Bon, c'est une manière de le dire pour faire image, mais c'est pour bien montrer que la question de la destructivité est d'abord un terme, et que celle qui s'exprime au dehors par les agressions à l'égard de l'autre n'en représente qu'une fraction dérivée. La violence est avant tout née du sentiment d'impuissance, de désespoir et de détresse. Et on tombe sur le paradoxe que pour pouvoir supprimer cette détresse et ce sentiment de désespoir, ben c'est soi qu'il faudrait supprimer. C'était donc André Green en 1996. Commentaire magistral au fond de ce passage, peut-être, de l'abrégé de psychanalyse, texte de Freud de 1938, où il écrit ceci. « La libido rencontre la pulsion de mort ou de destruction. Elle a pour tâche de la rendre inoffensive et elle s'en débarrasse en la dérivant en grande partie vers l'extérieur, en la dirigeant contre les objets du monde extérieur. » Quel est votre commentaire à vous de ce processus, Bertrand Ogilvy? Je dirais les choses de façon un peu différente, bon, pas contradictoire, mais on pourrait dire que les pulsions de mort, c'est au fond l'effet du rejet de toute altérité, intérieure comme extérieure. Alors intérieure sans doute d'abord, extérieure ensuite, mais de toute altérité perçue comme une menace de souffrance. Et l'altérité comme mouvement, comme processus, comme devenir, c'était l'idée de Sabine Spielrein d'ailleurs. Et contre ce risque du devenir, ce risque de devenir autre, alors ce qui l'emporte, c'est la tentation de revenir à l'inerte, de revenir à l'inorganique, de résoudre toutes les tensions, toutes les excitations, le tumulte des pulsions de vie par un moment de mort. Mais c'est une mort, je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est ça qui a fait scandale. Quand Freud a publié son texte en 1920, il a été reçu dans un silence glacial par ses collègues analystes, dont beaucoup l'ont refusé d'ailleurs. Bon, c'est une mort qui n'est pas une mort avec un grand M. Ce n'est pas le mal avec un grand M. Ce n'est pas une mort qui pourrait s'inscrire dans une perspective théologique. C'est une mort plate. C'est une mort immanente, c'est une mort simple, je pourrais dire une mort pour rien. Et c'est ça qui fait le plus scandale dans cette position freudienne. Lacan l'avait très bien compris, je cite une phrase de lui qui est vraiment très représentative, il dit « La vie, hein, c'est dans le séminaire sur le moi, dans la théorie de Freud, dans le deuxième tome, il dit « La vie, c'est cela, un détour, hein, il reprend le terme de Freud, un détour obstiné, par lui-même transitoire et caduque, et dépourvu de signification. » Et c'est ça qui est très important, je crois, c'est ce que Catherine Miot a souligné quand elle parlait d'automatisme, c'est cette à la fois cette immanence, cette inintelligence de la pulsion, ce retour au même, et cette espèce de jeu avec la mort, qui est la vie, et qui fait de toutes ces configurations conflictuelles que nous vivons au cours de notre vie des moments, en quelque sorte, d'attente d'autre chose qui n'a pas de sens, métaphysique. Alors cette lutte qu'il faudrait mener au nom de la vie contre nos pulsions de mort, c'est le mot qu'il emploie, lutte, à la fin du malaise dans La civilisation 1930, Freud. Eros, on espère qu'il va tenter un effort afin de s'affirmer, écrit-il, dans la lutte qu'il mène contre son adversaire non moins immortel, qui est la destruction. Mais comment ça marche? Je veux dire, Eros, c'est pas que les pulsions sexuelles contre les pulsions d'autoconservation et le désir de l'inanimé. Chez Freud, les choses, il le dit d'abord comme ça, et puis après, il complique. Et elles sont un peu imbriquées les unes dans les autres, les pulsions, même s'il y a un dualisme. Comment on fait pour diminuer l'emprise sur nous des pulsions de mort, Catherine Millot? Comment on fait? Enfin, je voudrais revenir sur le dualisme, parce que c'est important. Freud, en effet, a toujours construit un dualisme pulsionnel. Oui. Et pour une raison bien simple, c'est la clinique qui y insiste, c'est que la névrose est l'effet de conflit, d'un conflit psychique. Et dans un premier temps, Freud avait situé le conflit entre les pulsions sexuelles que tente de canaliser la civilisation, et puis les idéaux du moi, et qui sont la source du refoulement et de la répression des désirs sexuels. Et ensuite, cette opposition lui a paru insuffisante, puisque finalement, tout converge. Il y avait l'opposition pulsion sexuelle, pulsion du moi qu'il assimilait aux pulsions de conservation. Ça n'était pas vraiment contradictoire. Et le dualisme, il le retrouve en isolant seulement ces phénomènes cliniques au-delà du principe du plaisir, il le retrouve dans l'opposition pulsion sexuelle, pulsion du moi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les pulsions de mort? Oui, comment on fait pour lutter contre les pulsions de mort? Comment on fait? Votre silence m'intéresse. Oui, comment on fait? Est-ce qu'on les sublime, comme dit Marcus? Est-ce qu'on essaye de sublimer Eros lui-même, la sexualité, au lieu de la réprimer? Eros se laisse sublimer, mais Thanatos, je ne pense pas qu'on a affaire à la sublimation. Ce que Freud souligne, et Lacan aussi, c'est que dans les temps modernes, avec le développement de la science et de la technique, et là je soulignerai au passage qu'il y a un petit côté heideggerien de Lacan, qui reprend l'idée de l'incidence de la technique dans notre monde contemporain, avec les... ça aggrave les choses, c'est-à-dire que la puissance du signifiant s'en trouve décuplée, et par conséquent nous menace à travers justement les progrès des forces techniques de destruction, des armes. C'est très difficile. Bertrand Gilvy, je vous laisse le dernier mot sur cette lutte entre Eros et la destruction dont parle Freud et qui en fait conceptuellement est très difficile à penser. Je dirais que ce pour rien auquel aboutit finalement chez Freud l'idée de pulsion de mort n'est paradoxalement pas si désespérant que cela, dans la mesure où, au fond, une cure analytique, qu'est-ce que c'est? Sinon le fait de défaire peu à peu des liens dans lesquels nous sommes pris depuis notre enfance, des liens qui font souffrir, qui sont conflictuels, qui sont des obstacles, se défaire de ces liens pour en construire d'autres. construire de nouvelles alliances, de nouveaux alliages, qui sont des configurations de vie dont la caractéristique est que ils sont l'espace de notre liberté. Je propose que ce soit le dernier mot, ça c'est joli. Et voyez où la question du printemps nous a menés ce matin. Nous avons parlé d'Eros, donc nous avons parlé de Thanatos, qui n'est pas nommé comme tel par Freud dans ses écrits, mais qui est bien le sujet, en tout cas symboliquement, la destruction intérieure et la destruction tournée vers les autres. Merci infiniment Catherine Millot et Bertrand Ogilvy pour vos analyses de ces concepts très difficiles de la théorie psychanalytique. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il nous parle de la mémoire. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi ne retient-on pas tout ? Lorsqu'on parle de mémoire, il faut toujours se référer, à mon avis, à une définition très simple des trois fonctions de la mémoire qui a été proposée par le grand psychologue français Théodule Ribaud à la fin du XIXe siècle, lequel a influencé, au fond, toute la science, mais aussi la philosophie et la littérature de son temps, sans oublier dans celle-ci, par exemple, Marcel Proust ou même Freud, qui avait lu tous ses livres et suivait ses disciples français et allemands. Ribaud distingue en effet trois fonctions de la mémoire. Et au fond, c'est souvent par rapport à l'une d'entre elles seulement qu'on se pose cette question qui doit nous retenir aujourd'hui, c'est le cas de le dire, à savoir pourquoi ne retient-on pas tout ? Pour Ribaud, il y a en effet trois fonctions de la mémoire. Il y a d'abord la fonction essentielle, celle qui est de conservation du passé, mais il y a aussi celle de reproduction du passé, du retour du passé, c'est faire acte de mémoire, qu'aller chercher dans une sorte de réservoir, c'est toujours l'image qu'on a, aller chercher ce qu'on a conservé pour que cela revienne. Et puis il y a une troisième fonction de la mémoire que Ribaud, comme psychologue, présente comme un peu secondaire, mais qui est peut-être tout à fait cruciale, qui est de situer consciemment ce qui revient dans le passé. Or, finalement, la première question qui vient, justement, pour tout le monde, c'est la première fonction. Conserver le passé. Nous savons bien qu'en un certain sens, au moins consciemment, nous ne conservons pas tout. Il y a des choses que nous avons oubliées. Et le problème de la mémoire est intrinsèquement lié à celui de l'oubli. Quel est notre signe pour savoir si nous avons conservé quelque chose ? Eh bien justement, c'est son retour. C'est le retour, c'est ce que nous retrouvons, ce que nous faisons revenir. C'est la deuxième fonction de la mémoire qui est d'une certaine façon la preuve de la première. La preuve que vous avez conservé quelque chose, c'est que vous pouvez le retrouver, le répéter, le ranimer, tous les mots en re que vous voulez, que ce soit par vous-même ou avec un outil, avec une prothèse, avec une machine, avec ces mémoires potentiellement infinies aussi que sont nos outils de stockage, de conservation du passé dans des mémoires infinies, comme le dit Maëlle Renoir dans son beau livre sur Internet. Or, d'une certaine manière, les grandes découvertes qui ont suivi les thèses de Théodule Ribaud, celles qu'ont soutenues à la fois Bergson en philosophie, Proust en littérature et Freud en psychanalyse, c'est que le signe de retour, le signe de la retrouvaille avec le passé, nous fait défendre une thèse paradoxale, à savoir que oui, contrairement aux apparences, en fait, nous conservons tout. Pour Bergson, pour Freud, pour Proust, le fait qu'il y ait des souvenirs inattendus qui reviennent, que tout puisse revenir à telle ou telle occasion, nous montre qu'en fait, nous avons tout conservé. Le problème est plutôt pourquoi nous ne nous souvenons pas de ce que nous conservons, pourquoi nous ne ramenons pas tout à la mémoire présente et consciente, et non pas celui de pourquoi nous ne conservons pas tout. Chacun a son explication. Freud, bien sûr, convoquant le désir et sa censure, l'interdit et l'utilité présente aussi. Nous retenons ce qui nous est utile, nous faisons revenir ce qui nous est utile et nous refoulons aussi ce qui nous menace, en particulier nos désirs dangereux, nos souvenirs personnels redoutables. Mais ce qu'on oublie dans cette dualité de la mémoire tout à fait fondamentale qui définit le moment 1900 dans ce qu'il a de plus profond, à savoir cette conservation intégrale et ces souvenirs sélectifs, on oublie la troisième fonction. Comment situer consciemment dans le passé ? Consciemment, cela veut dire individuellement et collectivement. Et peut-être qu'au fond, le filtrage le plus redoutable pour la mémoire, pourquoi nous ne retenons pas tout, c'est parce que nous n'inscrivons pas tout dans une histoire, dans un récit. Et cette troisième dimension de la mémoire est peut-être au fond le vrai filtrage, celui qui conduit non seulement malheureusement à la sélectivité de la mémoire individuelle, mais au conflit des mémoires collectives.